إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ceci est un cours qui se nomme l'introduction à la science politique islamique. Je me suis basé sur le livre de Ibn Taymiyyah, qui a été commenté par le cheikh Al-Uthaymin. Ibn Taymiyyah est un livre qui parle des règles que doit observer le gouverneur d'un État islamique et les règles et les principes que doit aussi observer le gouverné. Donc c'est important d'étudier cette science, surtout nous vivons dans ces pays qui ne sont pas des pays musulmans et qu'on appelle tout ça l'État islamique. Mais c'est important de savoir comment fonctionne cet État islamique. Donc c'est même primordial parce qu'on appelle à une chose et on ne sait pas comment il fonctionne. Parfois ça peut nous rendre pas assez crédibles. Donc je vais tout d'abord commencer par une définition, une explication du terme politique. En arabe, on dit as-siyasa. En arabe, on dit as-siyasa. As-siyasa. Donc la politique. Qu'est-ce que ça veut dire le terme as-siyasa ? Ça signifie diriger, conduire, diriger. Et ça signifie aussi ri'aya, qui signifie garder, attentionner. C'est pour cela le berger, on appelle ra'i, parce qu'il garde son troupeau. Il fait attention à son troupeau, il surveille son troupeau et il conduit son troupeau. Donc le politicien, c'est quelqu'un qui dirige une population, qui dirige une communauté, qui dirige des citoyens. Pour quelles raisons il dirige les gens ? Pour réaliser leur objectif, pour réaliser leur intérêt. Et repousser d'eux la nuisance qui pourrait les atteindre. Donc quand quelqu'un fait la politique, c'est il cherche l'intérêt du peuple. Qu'est-ce qui est bénéfique au peuple? Et il cherche aussi à repousser les nuisances du peuple. C'est pour cela il va faire des lois où il va interdire ceci, cela, pour empêcher que des nuisances atteignent le peuple. Là, par exemple, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui tue, on va le mettre en prison, pourquoi ? Pour protéger ce voleur, pour protéger le peuple de ce voleur. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit : si un serviteur vous dirige selon le livre d'Allah, écoutez-le et obéissez. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé un mot qui montre que le terme politique signifie diriger. Mais quand on est musulman, on ne peut pas diriger avec n'importe quoi. En tant que musulman, on est obligé de diriger les gens selon les livres d'Allah et de son messager. Et ceci nous amène à définir qu'est-ce que c'est que la politique islamique. Très important, qu'est-ce que c'est que la politique islamique? La politique islamique, c'est quoi? C'est le fait de préserver les objectifs, les intérêts que l'islam a apportés. L'islam est venu avec des objectifs. Pour la création. L'islam est venu avec des intérêts, des bénéfices pour la création. Et quand tu es politicien, le but, c'est préserver ses intérêts, préserver ses objectifs. Donc le politicien doit voir, ok, est-ce que l'objectif que l'islam a apporté est préservé dans la communauté, est préservé dans la terre, est préservé dans l'État? C'est ça, la fonction d'un politicien. C'est voir si les objectifs islamiques sont préservés au sein de l'État. Et ces objectifs islamiques, c'est pas le politicien qui choisit, qui va dire ah, ça, je choisis ça comme objectif, je choisis ça comme objectif, je choisis ça comme objectif. Non, les objectifs islamiques, c'est Allah qui les choisit. Et c'est Allah qui va les hiérarchiser. Il y a des objectifs en islam qui sont plus importants que d'autres. Et les savants, comme vous le savez, ils ont classé les objectifs islamiques en 5. Premier objectif, l'islam est venu pour préserver ad-din, préserver la religion, préserver l'unicité. Donc dans un état islamique, on a une aqida officielle. Comme ici, ils ont une croyance officielle. Ou bien non. Ils ont une croyance officielle, ils sont... Non, c'est laïque. Ouais, c'est laïque, voilà. Ils ont une croyance officielle, oui, c'est la laïcité. Non, c'est la... C'est le... Non, c'est pas la laïcité. C'est le séculisme. Il y a une différence entre le sécularisme et la laïcité. Le sécularisme, c'est-à-dire que ce n'est pas la religion qui va gérer les affaires de l'État, les affaires du peuple, mais par contre, c'est nous qui on va gérer la religion. Par exemple, ici, la politique belge s'occupe d'investir dans les églises, s'occupe d'investir dans certains monuments. Ils financent des écoles catholiques, ils financent des écoles juives, etc. Mais tandis que dans la laïcité, c'est-à-dire que c'est donner aux institutions politiques un caractère non religieux. Et l'Église gère ce qui lui appartient, indépendamment de l'État, selon sa propre volonté. Et les cinq objectifs de l'islam, c'est préserver la religion, préserver le tawhid. Donc la qida officielle dans un état islamique, c'est la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Je passe. Allô? C'est là. C'est quoi ce sujet, ça? Politique. C'est quoi? Politique. Ouais, c'est bon. Et le gardien, attention. C'est quoi le titre déjà? Introduction à la science politique islamique. Science politique. C'est vrai. Merci. C'est la priorité. Donc on a commencé. On a commencé. Ouais, tu peux... Donc le but d'un politicien islamique, c'est préserver les objectifs, les intérêts que l'islam a apportés. Et j'ai dit que les objectifs que l'islam a apportés, les a apportés de manière hiérarchique. Donc hiérarchique, c'est Allah Ta'ala qui va classer les objectifs plus importants au moins importants. Le premier objectif, c'est la religion. L'islam est venu pour préserver la religion. Ensuite, l'islam est venu pour préserver l'âme en interdisant la mort, en interdisant de tuer. Et en légiférant la peine de mort. Troisièmement, l'islam est venu préserver la raison. C'est pour ça que l'islam a interdit l'alcool. Quatrièmement, l'islam est venu préserver l'honneur ou la descendance. C'est pour cette raison que l'islam a interdit l'adultère. Et cinquièmement, préserver les biens. L'islam a interdit qu'on vole. Et a instauré le fait de couper la main du voleur lorsqu'il dépasse un certain montant. Et entre parenthèses, couper la main de voleur, ça se fait pas. Dans l'islam, quelqu'un qui vole un œuf, on va pas lui couper la main. Quelqu'un qui vole un livre, on va pas lui couper la main. Et on lui coupe la main à un voleur lorsque il a volé une certaine somme d'argent. Je sais pas quoi le montant. Un quart de dinar, pas le colofique. Donc un quart de dinar, on coupe la main. Et secondement aussi, c'est que il faut qu'il vole dans une situation. Comme on dit, on ne l'a pas tenté. Exemple, si par exemple moi je dépose ici 1000 euros sur la table, je dépose 1000 euros sur la table, ou bien je dépose 1000 euros sur le trottoir en exprès, ou bien j'ai ma voiture, je dépose 1000 euros dans ma voiture et puis j'ouvre la fenêtre, je ne ferme pas les boutons des portes et que quelqu'un vient voler. Est-ce qu'on lui coupe la main? Pourquoi on lui coupe la main? Hein? Parce qu'on l'a tenté. Comme on l'a tenté, on ne lui coupe pas la main. Ça, c'est les juristes musulmans, c'est ce qu'ils nous ont enseigné, c'est qu'on ne coupe pas la main à quelqu'un qui a été tenté. Donc, couper la main du voleur, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des règles. Donc, le politicien islamique, c'est ça son rôle, en fait. C'est, comment dire, gérer la population, gouverner la population selon les objectifs islamiques, selon les objectifs que Allah a classé et hiérarchisé dans le Coran et la Sunna. Donc c'est quand même très grave quand on a des gens par exemple qui rentrent dans le Parlement, même si on n'est pas d'accord sur le fait de rentrer dans le Parlement, et ils disent que la Sharia ça ne sera pas notre source de législation. Ok, ben, si la Sharia n'est pas ta source de législation, ok, donc c'est-à-dire que tu vas gouverner les gens selon les objectifs humains, selon les objectifs qu'Allah Ta'ala n'a pas fixés. D'où on voit que c'est un faux argument de dire qu'on va rentrer dans le Parlement pour mettre la chaléra. Parce que quand tu rentres dans le Parlement, c'est pour gouverner ou bien gérer la population selon les objectifs que le peuple a choisis. Et pas selon les objectifs que Allah il a choisis. C'est pour ça que les savants ils appellent la politique islamique, c'est la politique divine. C'est la politique divine que Allah Ta'ala a révélée à ses prophètes. Que Allah Ta'ala a déléguée à ses prophètes. Ça, c'était une petite introduction. Donc, le premier point dont on va traiter ici, après l'introduction, c'est de savoir que celui qui aura la gestion des affaires générales des musulmans, il devra s'acquitter de son dépôt. Car avoir la gestion des affaires des musulmans, c'est un dépôt, c'est une amana, c'est une responsabilité que tu dois t'en acquitter. Car le peuple te fait confiance, le peuple te lègue une chose très importante, c'est que tu gères leur vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés à s'acquitter de son dépôt comme il se doit. Et on a le verset du Coran, Allah Ta'ala dit « Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtu bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl » Donc Allah Zawjil dit « Certes, Allah vous a ordonné de vous acquitter de vos amana, donc de vos dépôts, ou bien de remettre leurs dépôts, de remettre les dépôts à ceux qui le possèdent. Et lorsque vous gouvernez entre les gens, gouvernez avec la justice. » Donc les savants disent, parmi les formes de dépôt qu'il y a, c'est le fait de gouverner. Le fait de gouverner, c'est un dépôt. Parce que le gouverneur, on lui confie notre vie dans un État islamique. On lui confie notre vie économique, notre vie politique, notre vie religieuse, notre vie sociale. Donc on lui confie les composantes de la vie, donc il doit s'en acquitter de la meilleure des manières. Et la meilleure des manières par laquelle il va s'acquitter de ce qu'on lui a confié, c'est en gouvernant les musulmans par la justice. Et Salah Zogé, il a bien précisé ici, bil-adl, par la justice. Donc ce gouverneur musulman, la première chose qu'il devra faire lorsqu'il sera gouverneur et qu'il va choisir ses ministres, qu'il va choisir ses délégués, les gens qui vont l'aider dans sa gouvernance, c'est qu'il devra choisir des gens très compétents. Pas parce que c'est fait partie de sa famille, ou bien que c'est sa femme, ou bien parce que c'est son oncle, comme dans certains pays arabes, comme au Maroc, Mohamed VI, tous ces gouverneurs, la plupart, ce sont des gens qui étaient avec lui à l'école. Ça, dans l'islam, ça n'existe pas. La preuve, c'est dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui détient le commandement des musulmans, celui qui détient le commandement des musulmans et qui délègue les affaires des musulmans à une personne alors qu'il a trouvé plus compétent que cette personne dont il a délégué, il aura trahi Allah et son messager. Donc il aura trahi Allah et son messager. Donc ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il aura trahi Allah et son messager, ça montre que c'est une obligation. Lorsque tu gères les affaires des musulmans, et que tu veux choisir des gens qui vont s'occuper des affaires des musulmans, dont tu vas déléguer à l'occupation des affaires des musulmans, c'est obligé que tu choisisses la personne la plus compétente. C'est-à-dire que tu ne dois pas choisir quelqu'un parce que c'est ton ami, ou bien parce qu'il est le plus riche, ou bien parce qu'il est noble. Non, tu dois choisir le plus compétent. La preuve, c'est qu'Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, il voulait confier une tâche à quelqu'un. Il voulait le confier à son fils, Abdullah ibn Omar. Mais il a vu que quelqu'un était plus compétent que son fils. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié à cette personne qui était plus compétent que son fils. Donc il aurait pu très bien confier à son fils, car c'est son enfant, car c'est la personne dont il est éduqué. Mais il a appliqué le hadith où le professeur Salim il a dit, on doit confier les affaires des musulmans aux gens qui sont compétents. Pas parce que ça fait partie de sa famille, ou comme je l'ai dit tout à l'heure. Et même Omar ibn Khattab, avant de mourir, il devait choisir qui allait gouverner, qui allait s'occuper de la gestion des affaires de l'État islamique. Il y en a qui lui ont proposé son fils. Et il a dit, Omar ibn Khattab, il n'y aura pas de Khattab au pouvoir. Et puis il a dit, si Abu Abid était vivant, j'aurais fait de mon successeur. Donc je l'aurais nommé Khalif. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Abu Abid est un homme de confiance de cette communauté. Donc voilà, c'est comme ça que les compagnons géraient la politique islamique. Dire qu'il choisissait toujours la personne qui était le plus compétent. Et non, parce que c'était son fils, bien son enfant, bien qui était le plus riche. Comme dans ces pays où ils choisissent, comment dire, dans certains partis politiques, qu'on remarque dans certains partis politiques, PS ou autres, le chef de parti, en général, c'est toujours le petit-fils ou bien le fils de quelqu'un qui était aussi chef de parti politique il y a quelques années. Et dans l'islam, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même s'il n'y a pas de parti politique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on choisit la personne qui est la plus compétente dans l'islam. Et les gens de science, ils disent que ce hadith que j'ai dit précédemment, il doit aussi s'appliquer dans tous les aspects de la vie. Par exemple, quelqu'un qui est directeur d'école, par exemple, il est directeur d'une école, il doit choisir un professeur ou bien des professeurs, il doit choisir le plus compétent. Il doit chercher la personne la plus compétente. Il ne doit pas prendre un tel parce que c'est son copain. On appelle ça le pistonnage. Le pistonnage en islam n'existe pas. Tu vois. Pas venir chez le directeur et dire voilà, on est copains, tout ça, vas-y, pistonne-moi. Donne-moi une place dans ton école. S'il le fait, le directeur, s'il le fait, il sera tombé dans le haram. Parce que le prophète sallam nous a montré dans le hadith comme quoi il faut choisir la personne la plus compétente. Même chose pour le père de famille. Quelqu'un qui a 5 enfants ou 3 enfants, et qui veut confier une tâche à un de ses enfants, il ne doit pas le confier au plus grand. Il doit le confier à l'enfant le plus compétent. Si l'enfant qui a, imaginons, 10 ans, est plus compétent que son enfant qui a 14-15 ans, il le confie à l'enfant qui a 14-15 ans. Parce qu'il doit appliquer le hadith. Le hadith, il dit... Il confie à 10 ans. Même s'il a un grand frère qui a 15 ans, il confie à l'enfant qui a 10 ans parce qu'il est plus compétent. C'est pas comme dans certaines familles, ils confient des tâches à celui qui est à l'aîné. Non, dans l'islam, c'est pas comme ça que ça marche. Tu confies pas la tâche à celui qui est aîné. Tu confies la tâche à celui qui est plus compétent. À cause du hadith que je viens de citer. Et le gouverneur, s'il voit que la personne n'est pas compétente, il est obligé de le renvoyer, il est obligé de le virer. Donc il a nommé un ministre, il voit que ce ministre n'est pas compétent, il le vire. Il ne le laisse pas occuper ce poste. Et on va terminer par le hadith. Et avant de terminer le hadith, seconde règle que le gouverneur doit respecter, c'est que le gouverneur ne doit pas donner un poste à celui qu'il demande. C'est quelque chose qui est très très connu dans la communauté musulmane. La preuve, c'est le hadith où le prophète, des gens sont rentrés, ils lui ont demandé un poste de gérer les affaires des musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé, il a dit, je ne délègue pas nos affaires à celui qui le demande. Et ceci rappelle l'histoire d'un compagnon, une délégation par exemple qui s'était convertie à l'islam. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un d'eux, ils ont commencé à demander plusieurs choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en avait un qui a dit demande à Allah qu'il me donne la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit voilà, dis à ton peuple ça sera toi leur gouverneur. Pourquoi? Parce que tu as demandé la science. Et quelqu'un qui demande la science, c'est une très grande qualité dans l'islam, demander la science. Et le prophète a nommé cette personne gouverneur parce qu'il demandait quelque chose de noble, quelque chose d'important dans l'islam. Voilà, donc ceci sont le rappel d'aujourd'hui. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Est-ce qu'il y a des questions